à l'envers de vos lois et de vos habitudes. Sans haine, sans rancœur, tout risquer chaque jour. N'avoir plus rien à perdre, unique certitude. Contre vents et marées, rage de vie et d'amour, jusqu'au bout. À l'envers de vos rues, à l'envers de vos fêtes. Idéaliste et fou, chevalier sans raison. Se défaire à jamais des idées toutes faites. Tout donner de soi-même, même pris pour un con, jusqu'au bout. Vos amis me trahissent, ils attendent ma chute. Chaque pas que je fais les conduit à leur fin. Amourette de cils meuble leur solitude. Ils font l'amour tout seul, ça fait marrer mon chien jusqu'au bout. Soif de liberté, de justice et de paix. Soif de vérité, impossible destin. Je préfère ceux qui agissent tout en restant muet que ceux qui parlent trop, ne faisant jamais rien jusqu'au bout. Debout aux compagnons, nous reprenons la route. Laisse dire, laisse faire, car ils ne vivent pas. Ils trichent et ils calculent, l'incertain les déroute. Fais chanter ta guitare, c'est le dernier combat. Jusqu'au bout. Et puis quitte à mourir, autant mourir de rire. Les hommes sont des couvents, couvant leurs petits sous. Ils deviennent pourris à force de se le dire. Et se saoulent la gueule sans être jamais sous. Jusqu'au bout. Ils jugent, ils se cachent, ils font voter des lois. Sont fiers du passé, l'avenir les rassure. Leur présent est si peu qu'ils font n'importe quoi. Ils consomment l'orgueil jusqu'à la pourriture, jusqu'au bout. En ce siècle paumé, pour ma tendre tendresse, cherche une raison qui ne résonne pas. Aussi seul qu'un enfant et sans laisser d'adresse, je suis sur un chemin qui s'avance vers toi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au fond de mes tripes et jusqu'au fond des choses. Et quitte à me tromper, et me tromper encore. Je suis ce que je suis, et ne suis pas grand chose. Jusqu'au bout de ma vie, et jusqu'après la mort.